Vous êtes à l'écoute du territoire. À l'écoute des murmures de plus en plus fins des esprits du monde. À l'écoute du cœur des espèces, en dépit des voix qui fléchissent de plus en plus nombreuses. Coupés de la terre, de la mer et des bois, nous nous replions comme par réflexe sur la raison et la science comme approche à la nature. Mais il existe une autre voie, souvent négligée, et ses chemins sont gravés dans notre histoire comme sur le territoire. Ils forment des ponts entre nos esprits et les esprits du monde. Aujourd'hui, à l'écoute du caribou, les voix de trois guides pour un rapport spirituel à l'écologie. Les traditions catholiques, séculaires et autochtones se côtoient depuis longtemps au Québec, mais seule celle des premiers peuples a toujours regardé le monde en face, avec une déférence que le monde occidental, soit-il religieux ou athée, s'empresse aujourd'hui d'apprendre. Notre premier guide est venu nous relater un éveil tardif à la nature, celui de la philosophie occidentale. Marc Boucher est ébéniste, grand lecteur et écrivain. Il a publié son essai « La révolution du regard silencieux » cet automne aux éditions XYZ. Dans une chronique qu'il nous lit ici, inspirée d'un essai publié dans Le Devoir le 17 décembre dernier, il retrace les origines de la nécessité d'une perspective spirituelle au monde et à la nature, y compris pour les visions du monde séculaire et athée. Un appel spirituel qui a ses racines dans les profondeurs de l'histoire, mais qui, selon Marc Boucher, se fait de plus en plus pressant. Pour nous, les humains, ça semble faire longtemps que les civilisations basées sur l'agriculture existent. Mais si on réduisait le temps historique de l'humanité pendant toute la période du Paléolithique à aujourd'hui, sur l'échelle d'une heure, il ne resterait pas beaucoup plus qu'une minute accordée aux civilisations. Tout ce temps-là, passé à vivre dans une nature presque inaltérée, à habiter un monde qui ne divisait pas encore nature et culture, ça a dû laisser des traces dans nos esprits. Le romantisme allemand, vers la fin du 18e siècle et le début du 19e, a été un des premiers mouvements organisés de notre civilisation occidentale à réagir devant la dégradation de la nature en l'associant à notre propre dégradation. Selon ces romantiques, nous serions devenus des êtres aliénés par l'enlaidissement et la destruction du monde naturel. Leur sentiment était en accord avec ce qu'Emmanuel Kant proposait sur la beauté de la nature et sa capacité de nous élever en tant qu'humains par des considérations éthiques et esthétiques. Cette approche spiritualiste du romantisme s'est étendue outre-mer chez le philosophe Ralph Waldo Emerson et ses amis poètes et écrivains, dont Margaret Fuller, Walt Whitman et Henry David Thoreau, avec le transcendantalisme américain. Mais il s'agit ici, c'est important de le spécifier, de transcendance philosophique et non religieuse, en stipulant que la contemplation de la beauté de la nature est une expérience esthétique qui mène à une transcendance, celle de l'effacement de l'ego devant l'objet contemplé. Pour Emerson, là où il y avait une distinction entre le moi et la nature, on retrouve plutôt un soi de même essence que la nature. Aujourd'hui, la science, à travers l'écologie, l'astrophysique et même la mécanique quantique, peut rejoindre cette philosophie. Par exemple, cette intuition qui vient des découvertes de l'astrophysique moderne, proposant que l'organisation de la matière, quand elle arrive à cette singularité qui est la conscience, se permet finalement de se comprendre et de se contempler elle-même. Comme si notre destin ultime, compris dans une sorte d'ADN de la matière première de l'univers, était d'éprouver un profond désir de saisir la beauté de cet univers. Harmé Metz, philosophe, père de l'écologie profonde, alpiniste et résistant norvégien, inspiré autant par Rachel Carson, Heidegger ou Gandhi, pensait, et je le cite, que si la question écologique ne s'est pas arrimée durablement dans le cerveau humain, c'est qu'on ne lui a pas donné la dimension spirituelle qu'elle mérite. Ce philosophe pensait de toute façon en termes d'éco-sophie. Pour lui, l'écologie profonde devait devenir philosophique. Alors, il ne s'agit pas ici de dogme religieux ou d'un truc nouvel âgiste ou autre croyance à la mode, souvent basée sur des fables aussi incroyables qu'inexistantes. Nous pouvons être totalement athées et, devant les merveilleux mystères de la nature, la nôtre incluse, aborder une forme de spiritualité. Notre monde terrestre est déjà une infinie merveille quand on s'y attarde un peu. Et ce que nous découvrons à travers ce que la science nous révèle sur cette nature, ainsi que par une contemplation libre de notre part, peut nous pousser à un respect et une admiration telle pour l'existence en ce cosmos qu'on pourrait être transformé et vouloir protéger ce qu'on trouve beau, ce qui nous émerveillera et ce qu'on finira par aimer profondément. Je crois personnellement qu'une part de notre besoin pressant et tous ces minutes de croire vient peut-être d'un manque de cet émerveillement propre aux enfants, mais que nous perdons souvent devenus adultes. Ce pouvoir d'émerveillement se dissout dans un monde en perte de sens, dopé par le consumérisme et le divertissement, ces injonctions à jouir de tous les possibles que la société de consommation nous propose, sans égard au coût que cela entraîne sur notre équilibre physique ou mental, ainsi que sur celui de nos écosystèmes planétaires. Porter une attention sensible à la beauté du monde pourrait nous rendre un peu de ce paradis perdu pleuré par les romantiques et relégué aux oubliettes de l'histoire, au profit d'une attention de plus en plus détournée d'un réel planétaire qui nous rappelle pourtant, de plus en plus, l'urgence d'être réhabilité dans la trame de nos vies et de nos consciences. Je suis personnellement convaincu qu'au-delà de nos connaissances, il n'y a pas de surnaturel, mais que la nature inconnue. Je suis athée, ce qui n'est pas une croyance en l'athéisme, comme certains voudraient me faire croire. Cela ne m'empêche pas d'avoir ou de tendre vers un haut niveau éthique ou moral, mais sans conformisme religieux pour le décrire et le baliser. Je pense que notre libre arbitre, issu de la connaissance et de l'observation attentive, est notre passeport pour une vie porteuse de sens. La nature dépasse infiniment dans les détails toutes les fables que nous avons pu inventer pour nous inscrire dans une culture vouée à la séparation des choses, comme la division nature et culture, par exemple, autant que celle de l'esprit et du corps portée par les grandes religions monothéistes. Mais qui peut dire aujourd'hui que le monde, avec un petit M, va bien? Qui peut dire de la même manière que le monde, avec un grand M, va bien? Les médicaments pour l'âme et le corps parlent d'eux-mêmes, ainsi que les guerres, les catastrophes climatiques, les injustices sociales, la destruction d'écosystèmes terrestres et marins, etc. Aujourd'hui, on parle de plus en plus, un peu pompeusement, de sauver la planète, un petit geste à la fois, ou par la technologie toute puissante, mais sans remettre en question les aspects culturels qui ont causé la catastrophe écologique. Je pense qu'en parallèle des solutions venant des grands systèmes politiques et civiques pour améliorer notre existence et celui de notre planète, qu'un regard attentif et personnel que nous porterons sur ce monde, notre contemplation, comme une action volontaire, pourra participer à ce genre changement de paradigme obligatoire dans la nécessité écologique de mon temps. Cette action attentive pourrait être à même de nous changer et ultimement de transformer le monde par percolation dans les systèmes d'éducation. Ces derniers sont la pierre angulaire d'un nouveau paradigme civilisationnel, car l'avenir sera écologique ou ne sera pas. Nous devrons devenir sensibles à ce monde blessé de toutes parts, sinon, Il pourra se guérir et se sauver, mais s'en est. Alors, la recherche du paradis perdu est peut-être vraiment dans l'œil de celui qui contemple, comme le dit Emerson. Pour terminer, comme je l'ai fait dans mon essai « La révolution du regard silencieux », je cite les mots de Rainer Maria Rilke, poète. « Nous avons le devoir de faire face à l'étrange, au merveilleux et à une grande part d'inexplicable, tout en retrouvant les sens qui peuvent les saisir. » Donc, un peu comme les spiritualités animistes l'ont fait et le font encore dans quelques enclaves culturelles du monde, mais sans fabulation ou autre légende, nous pouvons retrouver un lien fort avec une nature universelle, celle du vivant et du non-vivant, interconnectée, intriquée et dont nous faisons partie. La force et la beauté des objets extérieurs à nous qui nous seront révélés par une attention volontaire et contemplative vont être à même de nous modifier intérieurement, de nous attacher à un réel qui peut, par sa nature extraordinaire, nous procurer un émerveillement capable de devenir, dans les méandres de l'esprit humain, une nouvelle forme de spiritualité, comme une sorte de grandeur d'âme connectée au monde que l'on habite. Pourquoi pas? On en aurait grand besoin, tout comme le reste de notre planète d'ailleurs. Notre deuxième guide est Patrice Brodeur, professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal et spécialiste des religions abrahamiques et de résolution de conflits. Il enseigne un cours sur l'écologie et la foi, et pour lui, la crise climatique est le reflet d'une crise intérieure à l'homme. Je considère que l'humanité est dans une crise spirituelle. Justement parce qu'il y a trop de dépendance sur à la fois des philosophies économiques, mais aussi des philosophies au niveau du travail qui exploitent non seulement les êtres humains, mais aussi évidemment tous les milieux animaux et les milieux végétaux et matériels, et ainsi de suite. Et c'est ça, cette surexploitation effrénée, je dirais, pour des désirs de profit effrénés, qui, à un moment donné, devient très problématique. Il y a tout un examen de conscience qui doit se faire, quelle que soit notre vision du monde personnel. Ce qui est intéressant de voir proliférer aujourd'hui, à travers les différentes perspectives, à la fois religieuses ou non religieuses, que les êtres humains développent pour essayer de changer la donne et de faire que peut-être on puisse sortir, évidemment, les philosophies profondément politiques et économiques de la modernité ont changé le regard de l'humain sur le monde et l'ont rendu avide. Elles s'érigent et, dans une certaine mesure, s'écartent des positions traditionnelles que les textes sacrés assignaient à l'humanité face au monde. Chaque tradition religieuse a un héritage, je dirais, de liens et de sagesse plus ou moins développés avec cet environnement. Okay? Que ce soit le rapport à la nature, l'eau, le ciel, la terre et ainsi de suite, là, ainsi que, bon, évidemment, les plantes et les animaux, etc. Donc, chaque tradition religieuse va avoir des passages ou des plus ou moins directement reliés à comment l'être humain doit sa survie sur la terre à ses liens avec la nature. La question, c'est comment est-ce que l'être humain doit donc développer son respect par rapport à la nature, tout le monde des plantes, le monde végétal, puis ensuite, dans la mesure où certaines des traditions religieuses ont développé également un rapport à la nourriture animale, ben là, évidemment, il y a aussi des pratiques qui se sont développées. On peut penser à la nourriture cachère pour les Juifs ou la nourriture halal pour les musulmans. Ce sont des coutumes et des rituels qui se sont développés pour que l'être humain puisse ensuite mieux jouer son rôle comme étant puis là, ben, ça va varier selon les traditions, évidemment. Dans les traditions abrahamiques, on va dire, par exemple, pour être mieux serviteur de Dieu sur Terre, que l'être humain est là pour répondre finalement à des attentes divines par rapport à sa création sur Terre. Et ces attentes divines-là, ben, c'est en partie aussi le respect de la nature et des liens avec Patrice Brodeur le monde végétal et animal. Certaines traditions abrahamiques, de par leur anthropocentrisme, peuvent être interprétées de manière problématique pour justifier l'exploitation de la nature. Oui, il y a une hiérarchie, ça c'est certain, mais même s'il y a une hiérarchie, ça ne veut pas dire une exploitation. Ou enfin, où l'exploitation, elle est pour des fins qui sont mesurées et qui doivent servir à un plus grand bien. Dans les années 1960, certains chercheurs avaient mis le blâme sur le christianisme et certains passages de la Bible chrétienne pour dire que c'est cette supériorité de l'être humain sur l'environnement qui est la source du problème de l'exploitation. Il y a un problème, je dirais, au niveau de l'analyse, parce que si c'était le cas, ben à un moment donné, il y aurait eu une augmentation de la pollution au niveau terrien bien avant le 19e siècle. Mais ce qui est important, et là, il y a un lien à faire, c'est que cette notion de la supériorité de l'être humain par rapport aux autres formes de vie, conjuguée à une approche libérale et plus récemment néolibérale, ça s'est fait évidemment au détriment d'une surexploitation de bien des milieux naturels. À partir de là, ben il y a un lien à faire en effet avec certaines traditions abrahamiques qui ont mis finalement l'être humain au centre d'une vision du monde, mais qui à mon avis est un peu déréglée, parce que si on comprend bien l'approche abrahamique de la centralité des êtres humains dans l'échelle hiérarchique là, de ce qui existe sur Terre, c'est bien pour servir finalement un dessein divin qui, lui, n'est certainement pas l'autodestruction la crise de l'humanité sur Terre. Au contraire, en appelle à une spiritualité engagée dans le monde, active tout en étant contemplative. Il faut d'abord définir le concept de spiritualité de cette façon très large. Cette recherche de sens qui est profondément spirituelle, ben aujourd'hui, elle inclut de plus en plus cette possibilité d'un scénario très négatif qui serait finalement une dégradation à grande échelle de la qualité de vie des êtres humains sur la planète Terre due au problème des changements climatiques. C'est quoi le défi de l'humanité aujourd'hui face à ça? Et comment est-ce qu'on utilise nos recherches de sens pour pouvoir arriver à transformer nos comportements individuels et aussi s'impliquer dans des dynamiques collectives qui puissent mettre de la pression sur différents niveaux de gouvernement pour changer la donne? Ça, pour moi, ça fait partie justement d'une quête spirituelle. La quête spirituelle, c'est pas juste se croiser les jambes et méditer sur un sommet de montagne, comme on dit, là, ou dans la forêt, ou ainsi de suite. Là. C'est oui, méditer, ça peut aider justement à mieux centrer nos émotions, nos façons de voir le monde, etc., et faire en sorte qu'on puisse être en meilleure relation avec les autres êtres humains et l'environnement qui nous entoure, mais c'est pas suffisant en soi. Il faut que ce soit la méditation ou la prière ou la réflexion critique intellectuelle, mais compassionnelle en même temps. Moi, ce que j'appelle, c'est une réflexion critique et compassionnelle. Ça doit aller de pair. Cette réflexion pour moi, c'est ça, la spiritualité. Et compassionnelle a déjà des racines au Québec, que Patrice Brodeur retrace à la présence de sagesse autochtone. Encore là, les traditions abrahamiques, particulièrement la tradition catholique, doivent se redresser sur un passé difficile. Je crois que de façon culturelle, au Québec, on a développé un rapport d'appréciation, de respect pour la nature en gros. Ça, c'est quelque chose que l'on doit à notre histoire, en lien évidemment avec les Autochtones. Ensuite, la partie qui est d'interprétation du lien à l'héritage des spiritualités ou ce qu'on appelle souvent les cosmovisions autochtones, le rapport que l'Église catholique entretient avec les cosmovisions autochtones a varié beaucoup dans l'histoire. En même temps, il a existé le courant dominant d'opposition, de ridiculisation, de rejet total de ces cosmovisions autochtones, mais il y avait toujours à quelques-uns ou quelques personnes ou quelques prêtres ou figures, enfin, du monde catholique qui, au contraire, eux, justement, parce qu'ils étaient possiblement en lien beaucoup plus proche avec le vécu des Autochtones, se sont intégrés en quelque part dans différentes communautés autochtones, ben, à un moment donné, se sont rendus compte de la sagesse, du bien savoir-vivre que peut émaner, justement, de cosmovision autochtone, surtout dans les rapports entre les êtres humains et la nature. Mais quand même, l'histoire, jusqu'à assez récemment, est plutôt négative. Mais récemment, et là, par récent, je parle là, du tournant que l'Église catholique a vécu à la fin du Concile Vatican II, en 1965, avec l'émergence du document Nostra Aetate. Ce document a permis vraiment de faire un changement de paradigme dans la façon avec laquelle l'Église catholique officiellement s'est positionnée sur les notions de vérité. Dans le sens où, au lieu d'être la seule vérité en dehors de laquelle il n'y a aucun salut, le changement de paradigme s'est fait dans le sens où, oui, on croit encore qu'on a la vérité, mais on s'ouvre à la diversité des autres interprétations de la vérité et l'importance de développer l'appréciation, le respect de ces diversités d'interprétations de la vérité à travers le dialogue. Et ce dialogue, ben, on le voit petit à petit faire son chemin et aller jusqu'aux paroisses, là, au niveau des paroisses, et on se positionne de façon beaucoup plus dialogique par rapport aux spiritualités et cosmovisions autochtones. Qui entretient un rapport complexe à l'environnement, se résoudra comme se résolvent les conflits généralement, par le dialogue, selon Patrice Brodeur. Les ancrages personnels et collectifs que les gens peuvent décider d'avoir avec des traditions d'interprétation de la réalité qui peuvent être religieuses ou non religieuses, mais qui ont une meilleure relation de compréhension de la dépendance de l'humain à l'environnement. C'est là que il faut écouter la sagesse des peuples autochtones et parler non seulement de réconciliation avec les peuples autochtones, mais moi et plusieurs autres personnes demandent aussi d'aller plus loin, de parler de guérison. Quand on parle de guérison, c'est profondément spirituel. Et donc, si on parle d'une crise spirituelle à l'échelle planétaire dans les rapports entre l'humanité et son environnement planétaire terrien, ben c'est qu'à un moment donné, ça va prendre une guérison spirituelle également. Et ça, c'est le grand défi et on ne peut pas y arriver sans dialogue pour mieux se comprendre les uns les autres, pour à partir de là faire nos changements respectifs qui se doivent pour être plus cohérents entre nos façons de penser, nos façons de parler et nos façons d'agir. Notre dernier guide est Dolores André. C'est une Inuit de Matimekush Lake John, sur la côte nord. L'organisation avec laquelle elle travaille, Wapaskus, était à la COP 15, il y a quelques semaines, pour présenter un projet de conservation de 8 lieux spirituels inuits entre les communautés de Washat Makmaniutenam, près de cette île, et Matimekush Lake John. Dolores André nous raconte les origines et l'importance de ce projet qui allie préservation de la nature et sauvegarde culturelle pour la nation inuit. Un des rêves à ma mère, c'était vraiment d'aller voir les Samis, puis voir quelle relation qu'ils avaient avec les reines. Parce que les autres, ils font quand même l'élevage des reines, ils ont toujours vécu avec les reines, puis ils ont la même vision que nous avons en lien, la relation qu'on a avec la reine. On est allé les rencontrer, puis effectivement, nos modes de vie est très similaires. Ils étaient justement en train d'organiser une conférence internationale sur les sites sacrés autochtones auxquels on a été invités de participer. après cette conférence-là, ben, on s'était dit, ben, écoute, étant donné qu'on connaissait un peu plus les sites sacrés, puis toute l'importance de patrimoine en lien avec ça, la sauvegarde et la protection puis la transmission, ben, on s'était dit qu'on devrait en faire un travail aussi à notre retour de notre voyage. Et que là, on a mis sur pied une organisation. On a recruté du monde là, qui sont toutes dans la, soit des personnes qui sont spécialisées dans la culture Innu, la langue, qui agissent comme des guides spirituels. Dans notre organisation, on a comme deux missions, deux volets dans notre mission. C'est vraiment de faire reconnaître les sites sacrés Innu, les sites naturels sacrés Innu comme aires protégées dans lesquelles on est en train de travailler en ce moment. Puis notre projet se nomme Pakatan. Pakatan veut dire portage. Et puis, le deuxième volet, c'est vraiment pour assurer la transmission de notre culture à travers les sites sacrés là, qui constituent notre patrimoine culturel. Les huit sites sacrés protégés par Wapashkus ont une valeur historique et spirituelle, mais aussi pratique pour les membres des familles de Matimekush Lakjon et de Washat Mak Maniyetunam, qui ont aidé à les identifier. Quand on regarde les huit sites sacrés, là, ça part de la région de Sept-Îles jusqu'au nord, ça fait comme un corridor jusqu'au nord de la rivière Georges. Tu sais, on les a quand même identifiés en consultant des aînés de la communauté Matimekush Lakjon et de Washat Mak Maniyetunam. C'est plus cette région-là qu'on travaille. On a demandé aux familles également s'ils acceptaient. On travaille pour la protection de leur territoire de chasse familial et ils ont accepté. Alors, je veux dire, ils ont quand même des sites de valeur naturelle, autant archéologique, spirituelle et qui sont essentiels pour nous à la sauvegarde du patrimoine parce que à travers les années millénaires là, que les Innus ont parcouru le territoire autant à pied, en canot, en raquette ils ont parcouru le territoire en suivant le caribou. Et pour nous, le caribou, on a un lien quand même assez très étroit. C'est vraiment grâce au caribou qu'on est encore ici aujourd'hui. Depuis des millénaires, c'est le caribou qui nous a quand même habillés, qui nous a offert la nourriture. C'est à base de ça qu'on faisait nos outils. Nos ancêtres faisaient nos outils, puis on se nourrissait de ça. Puis le trajet que les Innus faisaient lors des portages, mais c'était vraiment vers la recherche du caribou. Tu sais, c'était notre source. Notre ressource de base de vie, là, je dirais. Pour moi, je veux dire, ça a toujours été l'animal sacré avec lequel les Innus que nous avons vécu, qu'on a survécu encore aujourd'hui. Et c'est, tu sais, dans l'animal, tout est utilisé. Et puis, pour moi, c'est comme dans toute culture, ils ont toutes comme un dieu, je dirais, pour nous. Parce qu'il y a le maître du caribou, qu'on prénomme Papa Kassik. Le rapport spirituel Innu à la nature en est un de réciprocité, de respect. Une spiritualité dont la philosophie semble taillée sur mesure pour notre époque, justement, peut-être parce qu'elle est durable et qu'elle s'est maintenue sur pied des millénaires durant. Une marche que le projet Wapashkus et Dolores André cherchent à prolonger. Notre spiritualité, c'est pas une religion, selon moi. C'est pas une religion. C'est que notre spiritualité fait vraiment, c'était vraiment quelque chose qui est inné en nous, ou quelque chose qui est en relation directe avec la nature, justement, parce que, c'est quand même nos ancêtres, ils ont vécu quand même pendant, je sais pas, plus que 8 à 10 000 ans. Ils ont survécu dans la nature avec rien. Je veux dire, tu sais, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de transport. Ils marchaient, puis c'est eux autres même qui faisaient leur raquette avec les tendons ou la babiche du caribou, avec le bois, avec toutes les affaires naturelles, dans le fond. Et puis, c'est tout un concept de vie par rapport avec, en lien avec des valeurs aussi. C'est comme des valeurs, surtout le respect, qui était la base de la valeur. On disait, si on respecte l'animal, ce qui t'entoure, les bonnes choses vont te revenir, mais si tu fais quelque chose de mal, ben, ça finit par te retomber contre toi. Et puis, c'était toujours ce lien-là qu'on donnait. Tu sais, lorsque nos ancêtres allaient dans un endroit, bon, ils s'assuraient que la place allait être propre aussi après, tu sais. S'assurer qu'ils vont tous maintenir les outils qui étaient en place, comme les perches pour une tente, disons. Ils vont les déplacer de la façon correcte pour aider l'autre famille qui sont en arrière ou qui vont se retrouver là. On vivait de façon très communautaire et non pas très individualiste. C'est sûr, toute la sédentarisation et la colonisation, ça a tout comme chambarder nos vies, là, mais on n'empêche qu'on a quand même encore notre langue, on a encore notre culture, on a encore notre spiritualité qu'on veut faire connaître de plus en plus parce que les jeunes, ils oublient ou ils connaissent pas. Et pour nous, c'est important de faire connaître ça, reconnaître ça, puis transmettre ces informations-là pour justement que les jeunes ou les personnes de tout âge, des Innos, connaissent leur histoire. Ça fait partie de notre histoire. Puis justement, toute la modernité, ben, tu sais, on vit dans deux mondes auxquels on s'est quand même adapté de force. Là. Donc, pour nous, le maintien et la sauvegarde de notre culture, de notre identité est très importante justement en vue de faire reconnaître les sites sacrés. C'est pour ça qu'on veut les faire reconnaître justement pour maintenir notre histoire là où nos ancêtres ont marché. C'était « À l'écoute du caribou », un reportage de Renaud Chiquan-McKenzie, produit avec l'assistance de Paul Fontaine. Merci à Tracy Lindman, notre mentor dans le cadre du programme de la Canadian Association of Journalists. Merci également à notre recherchiste, Daphné Saint-Louis-Ventura. Notre musique originale est composée par Hugo Mairan et cette émission est co-réalisée par Renaud Chiquan-McKenzie et moi-même, Paul Fontaine. Nous remercions pour leur soutien financier la Fédération professionnelle des journalistes du Québec ainsi que l'Association des étudiants et étudiantes de la Faculté de l'éducation permanente de l'Université de Montréal. À ce moment-ci de l'émission, il est de notre habitude de vous donner rendez-vous pour le prochain épisode de la semaine prochaine. Mais en ce dernier jour de l'année, au crépuscule de décembre, le temps vient pour nous de tirer notre révérence. Pour cet ultime épisode, nous tenons à saluer chaleureusement nos collaboratrices et nos collaborateurs, ainsi que toutes les personnes qui nous ont accordé leur temps et leur lumière. Et plus que tout, nous tenons à vous remercier, vous, auditrices et auditeurs, pour avoir été à l'écoute du territoire. Je suis Renaud Chiquan-McKenzie. Et je suis Paul Fontaine. Et nous vous souhaitons une très bonne année.